Bonjour. Bon, je voulais faire une vidéo lundi, mais lundi, je vais être occupé. Donc, je vais la faire aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être à un moment donné quand M. Legault il a décidé qu'il n'y aurait pas d'enquête publique ni indépendante par rapport à tous les décès qu'il y a eu dans les CHSLD. J'avais dit, il va falloir que les citoyens fassent eux-mêmes une commission d'enquête. Or, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ce serait l'initiative, des fois ça vient de provenance surprenante, mais ce serait l'initiative de Preston Manning que finalement il y a une commission d'enquête citoyenne, puis il y a des témoignages. Ça fait plusieurs jours que ça dure, puis il y a beaucoup de témoignages, notamment des professionnels, des scientifiques, des préposés, des infirmières. Des particuliers aussi qui ont subi des dommages que je considère graves. Puis, bon, ces témoignages-là, je pense qu'il y a Dominique Jasmin de Repentigny qui en a parlé un peu, mais au niveau de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des alerteurs ou peut-être plus justement des influenceurs, il n'y a personne qui en parle, ou presque personne. Puis ça, c'est vraiment dommage. Puis bien franchement, un qui en parle puis qui relie l'information, c'est M. Pitre. Donc, je lui lève mon chapeau. Il est en train de sortir du lot. Puis justement, peut-être que je peux avoir été critique par le passé, mais donc là, j'ai pas le choix de considérer qu'il fait bien là. Puis j'ai rien à dire dans le fond. Il a fait la job puis il a fond bien. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas un journaliste qui en parle. Puis ça, c'est pas normal. C'est très, très suspect. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne dans les médias, dans les journaux, nulle part qui en parle. Ils ont décidé d'ignorer totalement. Il ne faut pas que ça se passe de même. Il faut que certains journalistes se sentent obligés d'en parler. Donc, cette commission d'enquête citoyenne-là, il faut que les citoyens eux-mêmes, entre eux-mêmes, en parlent. Donc, ça va prendre un petit peu de courage, peut-être, mais il faut que les gens en parle. Puis moi, je pousse sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui sont sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils partagent les choses. La censure est moins forte qu'elle était. Puis là, on a un petit délai avant que vous voyez ce qui se passe en France. Ils sont en train de changer des lois pour justement censurer Internet. Il faut, d'un point de vue stratégique, au niveau du tactique, de l'information, il faut que ça soit relayé quand c'est le temps. Là, le timing est bon. Donc, il faut qu'on en parle un peu. Même un peu, même beaucoup. Puis même ceux qui peuvent, par exemple, comme il n'est pas normal qu'on questionne pas les journalistes, par exemple. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Comment ça se fait que c'est totalement lettre morte? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pareil pour les politiciens, puis tout. Mais il y a eu une stratégie de garde de l'information qui fait que ça, entre guillemets, alerteurs ou influenceurs, ils nous parlent de drag queen puis de Trump. Il faut pas que ça marche, cette tactique-là. Il faut pas que ça fonctionne. En ce moment, il y a des heures et des heures de témoignages qui sont extrêmement troublants. Puis il faut que ça nous trouble. Il faut que ça nous trouble, puis il faut que ça se promène, puis il faut que ça fasse du bruit. Ceux qui ont des disques durs internes, même si vous pouvez peut-être archiver les témoignages, il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces, puis bon. Donc, comme je vous dis, moi, j'avais pas cette semaine, je vais être occupé, puis lundi, j'aurai pas eu le temps de la faire, la vidéo. Mais la commission d'enquête citoyenne qui se passe en ce moment, c'est extrêmement important. Puis à date, il y en a un qui sort du lot puis qui fait la job, c'est Pitre. Puis les autres n'en parlent pas. Comme je vous dis, il y a Dominique Jasmin de Repentigny qui en a un peu parlé. Mais là, il y a comme une tactique de nous tout le temps nous faire détourner l'attention quand on regarde Monsieur Citoyen Lucide, il est occupé avec ses gugus de Twitter. Puis bon. Non, non, non, non. C'est extrêmement important ce qui se passe. Faut laisser des traces, faut archiver. Puis il faut pas que ça reste lettre morte. Parce que là, comme moi je dis, la commission d'enquête, il faut que ce soit les citoyens qui la fassent. Ben, ils la font. Il y en a des citoyens qui la font. Puis c'est extrêmement important, justement, que ça reste pas lettre morte. Puis que les médias, finissent par, au moins s'ils ont la malhonnêteté de vouloir à tout prix ne pas en parler, puis ignorer ça, au moins que ce soit tellement flagrant qu'il soit de plus en plus mal à l'aise, qu'il y ait de plus en plus de pression, puis que l'eau soit de plus en plus chaude au fond, qu'ils la sentent. Parce que là, il y a eu toutes sortes de ce que je considère comme des tactiques de diversion. On nous parle de Trump, les drag queens, puis Legault, puis son caucus de la craque. On s'en fout. C'est pas ça, là, la question. C'est pas ces choses-là qui devraient retenir l'attention. En ce moment, il y a une commission d'enquête citoyenne avec des témoignages accablants. Accablants. Et il faut que ça se promène, il faut qu'on en parle, puis il faut que ce soit archivé, puis il faut laisser le plus de traces possible. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, bonne journée. Par rapport à la commission, je pense que c'est une guerre entre autres psychologique, morale, puis même on pourrait dire psychique. Puis là, j'ai l'impression qu'on est en train, il y en a pas mal qui sont un petit peu démoralisés, puis sont devenus entre guillemets cyniques. Pas comme Diogène de Sinope, mais cyniques dans le sens de démoralisés, si on peut dire. L'affaire de la commission, oui, c'est vrai que là, c'est l'été. Mais comme j'avais dit, c'est de garder des traces, puis d'archiver les témoignages. Parce que, à part après, ça va pouvoir circuler. Puis même s'il y a des lois de censure qui s'en viennent, il y aura tout le temps des hackers, il y aura tout le temps du monde qui vont s'arranger pour que ça circule pareil. Il y en a qui lâcheront pas. Puis quand je regarde ce que des aînés ont subi, la vitamine D qui a été enlevée, on dirait pour les faire tomber malades. Puis la façon dont ils ont été traités dans les CHSLD, c'est plus de morts que le massacre de la Saint-Barthélemy. Puis je regarde aussi des enfants de la DPJ qui ont été confinés dans des pièces sans fenêtre, parfois 10 jours d'affilée. Ce qu'ont subi des aînés puis des enfants, aussi des entrepreneurs, les faillites qu'ils ont eues, je considère que au niveau des témoignages qui sont faits, on leur doit. On leur doit d'archiver. On leur doit de mettre des traces, de garder des traces, d'engendrer des traces. Pas on doit au sens d'une dette, mais par principe au sens du devoir, si on peut dire. Dans le sens de du bien, du bon, tout simplement. L'affaire, c'est que oui, peut-être qu'à court terme, on ne gagnera pas. Mais on va tout être appelé à entrer dans l'éternité un jour. Puis c'est là, possiblement, là, on a gagné d'avance. Donc, de ne pas se laisser démoraliser. Personnellement, j'ai pas des proches, par exemple, avec qui j'ai eu des conflits par rapport aux dernières années, puis qui ne me parlent plus, il n'y en a pas eu. Parce que je fais très attention. Très attention, mais il reste que la persévérance paye. Dans le sens que de glisser un petit mot de temps en temps, juste une allusion, juste souligner certaines choses, avec le temps, oui, ça a porté ses fruits. Puis j'en ai des gens que je connais, qu'aujourd'hui, ils étaient complètement, comment je pourrais dire ça? Il était complètement programmé. Il était complètement dans ce qu'on pourrait appeler la narrative de la doxa. Puis en ce moment, ça a fleuri. Les petites graines que j'ai semées ont fonctionné, puis ils sont totalement réveillés. Donc, l'affaire d'archiver les témoignages pour que ça circule plus tard, c'est une question de timing, de laisser des traces, d'appuyer les initiatives qui vont dans ce sens-là, c'est un peu comme semer des graines. Peut-être qu'à court terme, on a l'impression que ça ne donnera rien. Peut-être qu'à moyen terme, on a l'impression qu'on ne gagnera pas la bataille. Mais à long terme, ça peut jouer sur la victoire de la guerre. Puis, si on considère que le temps est une perception, un peu comme si on pourrait dire les ténèbres de la matière ralentissent la lumière, ça crée un espace-temps. Puis, mais tôt ou tard, Le réel, ben, c'est au-delà du temps, puis de l'espace. Puis si on sait, on n'a pas besoin de croire, dans le sens que je peux pas être démoralisé. Puis je peux pas non plus, par principe, me laisser faire, c'est impossible. C'est impossible. Rendu à un certain niveau, moi, c'est une question de principe. Puis je plierai jamais. Je plierai jamais. Puis il y a certaines initiatives, j'ai pas le choix d'appuyer. J'ai pas le choix de. Parce que il reste que on le doit. Puis encore une fois, je le dis, c'est pas au sens d'une dette, au sens de devoir. Les gens qui témoignent, certains là, ont leur droit d'archiver. C'est ce qu'ils font. C'est un peu comme des graines qu'on sème, puis tôt ou tard, ça va fleurir. Le corps, le système nerveux, c'est un peu comme une plante. L'âme, la conscience, c'est un peu comme une fleur. L'esprit, c'est un peu comme de la lumière. La métaphore peut paraître un peu grosse, mais on vit dans un monde de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a du temps, il y a de l'espace, donc la lumière est ralentie, si on veut. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, l'affaire, c'est pas d'avoir de l'espoir au sens où on l'entend habituel, mais de savoir certaines mécaniques, certains processus à long terme. À long terme, il y a certaines forces qui font que on gagne. On a gagné d'avance. Puis, par contre, jusqu'à un certain point, il faut faire comme c'était quoi dans le temps, l'annonce, là, gager sur notre victoire, c'était un petit peu ça. C'était un petit peu ça. Puis, personnellement, à un moment donné, une fois que. C'est ça la différence entre le libre arbitre psychologique, puis ce qu'on pourrait être obéir à une vibration. C'est ça qui fait que. Il y a des gens, ils gardent leur dignité, même si tu les amènes en chaise électrique, tu ne peux pas leur enlever, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça qui fait aussi qu'il y a des gens qui sont allés au bûcher en chantant. En chantant. Ils avaient gagné. Oui, même quand on perd, on gagne, quand on sait. Puis c'est pour ça que jusqu'à un certain point, à un moment donné, on ne peut pas se laisser démoraliser. On peut pas se laisser démoraliser. Puis même jusqu'à un certain point, là, vous avez vu, François Legault, il a reçu son vote de confiance de 98 points quelques pourcents. Puis c'est tout du théâtre. Cet homme-là me fait pitié. C'est un grotesque. C'est un grotesque. Il est surchargé de protection à son propre caucus avec ses propres militants, tellement il est paranoïaque. Je pense qu'il est plus paranoïaque que Kadhafi l'était. Puis ben franchement, à côté, Kadhafi, il est sympathique. Hein? C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc, bonne soirée. Puis, on peut s'en faire, oui, pour des raisons techniques, mais sur le fond, ça donnera rien. Ça donnera rien, mais à long terme, moi, ouais, ça va donner quelque chose. Pas de s'en faire, mais il reste que, bon, cette commission-là, ouais, c'est sûr que c'est initié par Preston Manning, puis bon, il y a certains détails qui font que c'est spécial, mais les gens qui témoignent, certaines personnes qui témoignent, c'est tout authentique, c'est pas dur d'archiver juste des petits bouts, puis s'arranger pour que ça circule. Que ça circule. C'est comme des semer des épines qui vont rentrer dans la patte des lions. Des lions un peu comme dans le magicien d'Oz qui n'ont pas de cœur. Mais il reste que tôt ou tard, les rideaux vont tomber. Donc, bon, je pense que c'est correct. Là, je suis un petit peu fatigué, peut-être c'était pas. Mais bon, ben, bonne soirée.